Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Demelin, bienvenue à Econophile et bienvenue dans la semaine 2 de la fin du monde. Trump et ses alliés ne font que que commencer à déployer tout ce dont ils sont capables. Oui, il y a eu des moments de racisme, recul majeur dont on parle, dont ils seront capables hein, lorsqu'ils auront malheureusement le pouvoir entre les mains. Bref, Econophile s'intéresse à l'économie, mais aussi à la politique, parce que les deux sont intimement liés, très intimement liés, trop peut-être. En tout cas, dans le mauvais sens, souvent. Et notre concept pour vous parler d'économie est simple. Je fais la lecture d'extraits de livres, pas la devise anglaise. Non, pas la livre, les livres. C'est en papier aussi, mais ça remplit le cerveau au lieu des poches. Donc, je lis des extraits d'un livre ou d'un article et je discute avec un invité pour aller plus loin. Un livre par semaine, une heure entière consacrée à ce livre. Un invité pour en parler, c'est le concept que je vous livre chaque semaine. Oui, livre dans le sens de verbe, pas de devise anglaise, non, c'est... Bienvenue à Econophile. Econophile est bien présent sur les internets, les réseaux sociaux, bien entendu. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, notamment. Allez aimer la page, c'est très apprécié d'ailleurs de notre part. facebook.com/Econophile891 pour ce faire. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau. On voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez et hop, vous vous retrouvez sur le blog. Vous y trouvez la balado qui donne accès aux trois dernières émissions. Mais, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, à moins que ça fonctionne pas. Mais il me semble que ça allait bien. Toutes les émissions sont désormais disponibles. Toutes les émissions depuis le début de la saison, donc vous les trouvez sur le blog dans la section émissions. Donc, il y a possibilité de toutes les écouter quand bon vous semble. Mais sur le blog, il y a aussi des textes qui sont inspirés des livres que je vous présente. Et chaque texte contient aussi la référence du livre en question au cas où vous seriez le genre de fou à lire des livres au lieu de les dépenser. Quoique vous pouvez dépenser des livres pour des livres, là, mais... Enfin, c'est... Bref. Et cette semaine à l'émission, on parle de fiscalité, mais comme nous le faisons d'habitude, avec un profond sens humain, en s'intéressant aux notions de justice et d'équité aussi. Et pour ce faire, je vous lis presque au complet d'ailleurs l'article qui paraît dans le tout frais, tout neuf État du Québec 2017, publié chaque année depuis 21 ans. Et l'article est signé de la plume habile, franchement, de la fiscaliste Brigitte Alpin, capable de vous parler de taxes, de fiscalité, de paradis fiscaux et de rendre le tout digeste et même touchant par moments. L'article s'intitule « 100 ans d'impôts au Canada et la crise fiscale qui vient ». Alors, vous voyez, déjà en partant, donc on fête 100 ans d'impôts, ça se fête! Mais c'est le moment idéal de se poser les bonnes questions. Et Brigitte Alpin le fait parfaitement. Et justement, c'est elle que je reçois en entrevue. Vous verrez, elle explique fort bien comment ça se passe sur le plan international et parle également des aspects, moraux, démocratiques de tout ça. Alors, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Bonne émission! We'll be right back. Et avant de commencer, un peu d'actualité parce que c'est en lien beaucoup avec ce qu'on dit depuis le début de la saison. Je vais vous lire un article qui a été rédigé, c'est fascinant parfois, en mars 2013 quand même, mais qui, tiens donc, est d'une cruelle actualité 3 ans plus tard. Ça a été écrit par Normand Baillargeon dans Le Voir, qu'on connaît bien, un article qui s'intitule « Mettre fin à l'aide sociale ». Alors, faut le comprendre au deuxième degré, je vous le dis d'avance, mais voici, c'était intéressant. Il écrit « Il faut en convenir, trop de gens sont sur l'aide sociale et exploitent la société, abusent de ce qu'elle leur apporte et ne lui rendent pas ce qu'ils en obtiennent. Il faut donc en finir avec l'aide sociale. Cette solution est radicale, je sais, mais considérez tous les déplorables effets pervers que cette situation produit. » Pour commencer, les assistés sociaux entrent dans un infernal cercle de dépendance qu'ils ne peuvent briser et qui se perpétue de génération en génération. Ils finissent par ne plus pouvoir concevoir de vivre sans cet apport de la société, qui est même en certains cas une sorte de vol dont est victime la collectivité. Ces mots sont durs, je sais, mais ils sont justes le plus souvent. Ensuite, les assistés sociaux perdent peu à peu et parfois irrémédiablement leur dignité. Cela parce qu'ils ne peuvent avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose par eux-mêmes et qui leur appartiennent vraiment. Par ailleurs, tirant ce bénéfice indu, certains assistés sociaux tendent à s'isoler entre eux du reste de la société, société à laquelle ils ne participent plus en y apportant leur juste part et avec laquelle ils n'ont plus guère d'intérêt commun. Ils perdent ainsi tout sentiment d'appartenance à la collectivité à laquelle ils doivent pourtant tellement. Enfin, plusieurs d'entre eux, trop nombreux hélas, tendent à adopter des comportements répréhensibles, voire en certains cas criminels, en s'associant pour cela à leurs semblables. Est-il nécessaire de préciser qu'ils le font trop souvent en toute impunité? Ces raisons prises tout ensemble me semblent décisives et la conclusion s'impose, il faut mettre un terme à l'aide sociale aux entreprises, à leur financement public débouchant sur la privatisation des profits qu'on leur permet, ainsi qu'aux privilèges accordés aux banques et aux institutions financières. Avouez que c'est brillant quand même. Il faut mettre fin à la criminalité en col blanc de ces assistés sociaux, faire payer leur juste part d'impôts aux entreprises et aux personnes très riches qui n'en paient guère, voire pas du tout, sans oublier dans la foulée d'augmenter le taux d'imposition du gain en capital, qui n'est pas imposable à 100% comme un revenu salarial, mais seulement à 50%, et d'abolir les abris fiscaux. Cela ne se fera pas. Depuis des décennies, nos véritables assistés sociaux ont mis en place un système redoutablement efficace, dans lequel on trouve notamment des partis politiques, des médias, des firmes de relations publiques, qui s'assurent tous ensemble que personne ne les reconnaît pour ce qu'ils sont. Ils se comportent en cela exactement comme ceux que le fondateur du libéralisme économique, Adam Smith, appelait les maîtres. Les maîtres. Dans des pages qu'on oublie typiquement de citer de son chef-d'œuvre, La richesse des nations, il nous met sérieusement en garde contre ceux dont la ville maxime est « tous pour nous, rien pour les autres ». Des gens, dit-il, qui forment une ligue tacite mais constante et uniforme et ne peuvent se rencontrer sans comploter contre le reste de la société. Considérer de ce point de vue les modestes propositions avancées par le gouvernement péquiste, oui, on était en 2013 à l'époque, à l'automne, hausser à 75% le pourcentage imposable du gain en capital et hausser modestement l'impôt pour les plus fortunés, ce fut, souvenez-vous, le tollé. Menace de quitter le Québec, haut cri, chantage, rien ne nous aura été épargné. Entre médias aux ordres politiciens acquis à leur cause, campagnes de désinformation et propagande, les maîtres ont déployé leur arsenal pour maintenir la conformité de nos politiques avec leur ville maxime. C'est que, dans nos sociétés, le 1% obtient à peu de choses près tout ce qu'il souhaite. Et cela s'est vérifié 7 fois encore. Mais c'est une toute autre histoire quand ce n'est plus des maîtres qu'il s'agit, et plus encore s'il est question des plus faibles des autres. Ils le savent, ces travailleurs et travailleuses dont l'âge de la retraite a été porté à 67 ans, ces chômeurs et chômeuses qu'on attaque brutalement en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, et pour faire bonne mesure, ces personnes parmi les plus vulnérables de celles qui vivent de l'aide sociale, sur lesquelles le Parti québécois frappe en ce moment. Des personnes de 55 à 57 ans ou qui ont la garde de jeunes enfants ou encore des toxicomanes, remarquez qu'on pourrait remplacer ce passage par l'actuel projet de loi 70, ce serait sans rire, eux et elles, dont le nombre diminue d'ailleurs de manière radicale depuis 20 ans, les vrais, les importants, les coûteux assistés sociaux. Et sur eux et elles, qui n'ont ni journaux, ni intellectuels à gage, ni politiciens aux ordres, on peut taper. et on peut même cogner très fort sur les plus faibles et les plus démunis d'entre eux. Pour leur bien, bien entendu. Tough love, comme ils disent. Et on ne se gêne pas pour taper. Je suis outré, je suis sans voix et d'une infinie tristesse qui n'a d'égal que la colère qui m'habite. Il faudra pourtant bien un jour qu'on mette fin à l'aide sociale, à la vraie. Les maîtres ne le voudront pas. Il faudra leur imposer. Cela s'appelle, du moins à en croire le milliardaire américain Warren Buffett, qui le disait il y a quelques années, la lutte des classes. Il y a bien une lutte des classes, affirmait ce dernier. Mais c'est ma classe, celle des riches qui l'amène. Et elle la gagne. C'est exact, pour le moment. En attendant, le PQ doit reculer sur cette ignominie. Et on pourrait l'actualiser en disant le PLQ doit reculer sur cette ignominie. Oh oui. Donc, on va revenir à nos trucs. 100 ans d'impôts au Canada et la crise fiscale qui vient. Un article rédigé, comme je le disais, par la fiscaliste Brigitte Alpin, tiré du livre Tout frais, tout chaud, L'État du Québec 2017. Et c'est un livre qui en est à sa 21e édition, un ouvrage qui fait le tour des grands enjeux à chaque année. Si vous le connaissez pas, c'est vraiment bien fait. Un livre fort utile pour se donner une vue d'ensemble, vraiment. Et nous, ben, c'est cet article de Brigitte Alpin qui nous a interpellés, un texte qui met le doigt sur les bobos, qui parle des injustices et des solutions aussi qu'on peut apporter pour corriger la situation avant qu'il ne soit trop tard, avant la crise, justement, d'où le titre. Alors, l'article commence comme suit, je vous en fais la lecture. Il y a 100 ans, le gouvernement demandait pour la première fois aux Canadiens de payer de l'impôt sur leurs revenus. Un siècle plus tard, dans un monde radicalement différent, quel est l'état et l'utilité de l'impôt sur le revenu? Comme dans plusieurs pays qui l'ont également implanté pour financer la Première Guerre mondiale, États-Unis, France, etc., l'impôt sur le revenu fête son centenaire au Canada. Entré en vigueur au pays en 1917 sous la gouverne du premier ministre conservateur Borden, il a été maintenu après la guerre pour financer l'après-guerre et n'a jamais été aboli par la suite. Depuis son implantation, l'impôt sur le revenu a connu de multiples transformations et a suscité bien des débats. Il représente aujourd'hui la principale dépense dans le budget de beaucoup de contribuables canadiens et constitue le principal revenu des gouvernements du Québec et du Canada. Depuis les années 50, le poids de l'impôt sur le revenu a constamment augmenté au Canada pour atteindre 50% des recettes totales en 2000 et 47% en 2014. On est quand même pas loin de la moitié. Mais alors que les revenus fiscaux provenant des personnes physiques, donc les particuliers, ça c'est vous et moi, augmentaient de 20 à 37%, donc on a pratiquement doublé, là, entre 1955 et 2014, hein, vous voyez, on passe de 20 à 37, la proportion issue de l'impôt sur le revenu des sociétés baissait de 18 à 10% durant cette même période. Basé sur des principes qui datent d'une autre époque, l'impôt sur le revenu arrive à son centenaire ébranlé, et fragilisé, son apport étant décroissant dans les recettes du Canada et de la majorité des pays de l'OCDE. En effet, appliqué dans le contexte actuel de concurrence fiscale internationale, il ne réussit pas à imposer adéquatement les sociétés et le capital mobile, argent, actions, placements, richesses intangibles, etc. On entend quand même beaucoup parler dans l'actualité. Selon Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, les sociétés parviennent encore à trouver des moyens de payer moins d'impôts et c'est en fin de compte aux particuliers de régler la facture. Même le lecteur CD, on est bouleversé. Donc, on comprend que c'est inéquitable, c'est injuste parce que vous payez vos impôts, mais pas les sociétés, en tout cas pas assez. Hein, ils ne font pas leur juste part, justement, par que vous payez, vous, pourtant, oui, effectivement, chaque année. Et ce sont des vases communicants. Hein. Si eux ne paient pas, ben, il y a quelqu'un qui doit payer, et ça, c'est vous. Vous n'avez pas les moyens de vous payer des fiscalistes pour vous montrer comment éviter de payer. Comment vous sauver de votre devoir citoyen. Première partie donc de l'entrevue avec Brigitte Alpin. On parle ici de l'impôt qui, 100 ans plus tard, a peut-être effectivement mal vieilli, pensé à une autre époque. Aujourd'hui, on constate qu'il est mal adapté aux réalités actuelles, à savoir, au savoir tout court, aux techniques aussi, pour éviter justement d'en payer. En le lisant, j'avais l'impression qu'il y a un cri du cœur là-dedans. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, j'avais l'impression, avant de commencer à écrire le chapitre, j'ai été longtemps, quelques semaines, là, avec mon pad de notes, à me dire, OK, à chaque fois que j'ai une idée que je vais absolument dire dans ce chapitre-là, je prenais mon idée en note. Puis, lorsque c'était le temps d'écrire, c'était beaucoup plus facile que j'aurais cru parce que, à un certain moment donné, lorsqu'on écrit, il faut vraiment faire attention, surtout en impôts, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. La réflexion, il faut qu'elle soit vraiment songée, comme toutes les réflexions. Mais en impôts, on peut tomber dans des faussetés facilement. Donc, lorsque j'ai écrit, c'était plus facile que j'aurais cru. Et on dirait que oui, c'était comme... à l'intérieur de 2000 mots, je pense avoir réussi à donner un genre de cri du cœur pour, comme vous l'avez bien dit, concernant où est-ce qu'on en est aujourd'hui après 100 ans avec l'impôt sur le revenu au Québec, au Canada et ailleurs. L'utilité de l'impôt, en tout cas, de la façon que ça s'utilise avec le temps, il y a de grandes questions qui surviennent. On parle beaucoup de, vous le dites, là, d'iniquité. En fait, c'est pas juste, là, la façon que c'est fait entre les particuliers et les sociétés. C'est ça que vous démontrez dans l'article. J'espère réussir à démontrer dans l'article que l'impôt sur le revenu arrive à son 100e anniversaire essoufflé et remis en question. L'impôt a 100 ans, elle est basée sur d'anciens principes d'imposition, sur des façons de faire des affaires qui sont différentes aujourd'hui. Par exemple, 100 ans, être milliardaire avec principalement attribuable à une richesse intangible construite dans le cyberespace, c'était quelque chose qui existait pas. Donc, et nos principes d'imposition et notre façon d'imposer a beaucoup de difficultés à s'adapter à ça. Elle a beaucoup de difficultés à identifier c'est quoi le revenu en rapport avec ces nouvelles façons-là de faire de la business, cette nouvelle façon-là de faire du revenu, de la richesse et dans un monde mondialisé en plus de ça. Donc, on se retrouve à essayer de faire marcher une machine qui peut-être fonctionne moins bien, qui fonctionne moins bien 100 ans plus tard. Et un peu comme le disait Pascal Saint-Amand, le directeur des politiques fiscales de l'OCDE, dans le film Le prix à payer, est-ce que on met la machine à la poubelle complètement ou on essaie de l'arranger? En ce moment, on est dans une étape avec l'impôt sur le revenu où est-ce qu'on essaie de l'arranger, on essaie de la moderniser parce que ça serait beaucoup plus simple que de mettre les choses complètement à zéro et de repartir. Donc, à notre 100e anniversaire de l'impôt sur le revenu, on en est là. Pendant qu'il y a des sociétés qui s'en sauvent, ben c'est les particuliers qui paient parce que l'argent, de toute façon, à la base, on en a besoin et l'impôt, en principe, devrait être payé par tout le monde pour que tout le monde fasse sa part. Oui, effectivement, dans le chapitre qui paraît dans le livre, j'explique que, avec les statistiques de l'OCDE, que l'impôt sur le revenu était un peu plus gourmande auprès des sociétés par action il y a 50 ans et un peu moins gourmande auprès des personnes physiques. Et les choses ont changé, notamment à cause des facteurs que je viens d'énumérer. Et on se retrouve aujourd'hui où est-ce que le fardeau de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques a presque doublé. Et le fardeau de l'impôt sur le revenu pour les sociétés a diminué de presque moitié. Et les grands chercheurs s'inquiètent beaucoup de ça. Est-ce qu'on est à l'aube d'un régime d'imposition ou est-ce que les sociétés par action ne seront pas du tout imposées? Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, que je continue à me poser, mais un peu moins parce que je pense avoir arrivé à mes réponses, notamment après avoir beaucoup étudié ça durant mon séjour à Harvard. Mais pour moi, c'est clair que les sociétés par action doivent continuer à contribuer à la société, que ce soit par le biais d'un impôt sur le revenu ou toute autre forme de taxe. C'est clair qu'on ne peut pas épargner les sociétés par action de payer de l'impôt sur le revenu parce qu'on pourrait se dire que leur objectif ou leur mission, c'est de créer des emplois. Elles doivent aussi contribuer au système social. Première partie, donc, l'impôt, hein, ben oui, on comprend que ça vaut pour tout le monde. Les sociétés par action doivent contribuer, comme tout le monde, à la société. Alors, dans son article, Brigitte Alpin écrit « Il n'y a plus de doute, il existe au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, des contribuables riches qui ne paient que peu ou pas d'impôts grâce à la manipulation des régimes d'impôts sur le revenu. » Plusieurs éléments nouveaux, tels que le commerce électronique, la transformation de la richesse tangible en richesse intangible, facilitée par le cyberespace, la monnaie électronique, les transactions financières par Internet, les paradis fiscaux, la mondialisation et la concurrence fiscale internationale, n'existaient pas lorsque l'impôt sur le revenu a été pensé au siècle dernier. Ces éléments agissent désormais comme autant de grains de sable dans l'engrenage des régimes d'imposition et conjugués les uns aux autres, ils permettent aux grandes fortunes d'éviter légalement de payer leur juste part d'impôt. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est légalement. Le Canada et le Québec ne résistent pas à la tentation d'utiliser divers avantages fiscaux pour attirer et retenir les multinationales. Le fisc canadien permet maintenant aux multinationales installées au pays de payer peu ou pas d'impôts sur les revenus qu'elles transfèrent dans une vingtaine d'États généralement considérés comme des paradis fiscaux. En plus de permettre aux détenteurs de grandes fortunes d'échapper à l'impôt, le régime fiscal actuel les autorise notamment par l'utilisation de fondations privées perpétuelles, ça aussi c'est un élément intéressant, organisées de manière à avoir le capital nécessaire pour exister à perpétuité, ce qui est le cas de la majorité des fondations, à s'approprier une partie du pouvoir de gestion des services publics qui devrait revenir aux élus du peuple. Par exemple, des fondations privées peuvent décider comment elles appuieront ou non financièrement des politiques publiques en santé, en éducation, etc. Pourquoi la société devrait-elle céder à ces gens fortunés une part du contrôle démocratique de services publics? Car le régime fiscal des fondations privées perpétuelles ne représente aucunement une bonne affaire pour les Canadiens. Au contraire, le coût des avantages fiscaux accordés au fondateur et à sa fondation, crédit d'impôt égal à 50% du don pour le fondateur et exemption d'impôt pour la fondation, surpasse l'obligation charitable, 3,5% seulement du capital de la fondation, imposé aux fondations par la loi de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, c'est ça qu'on dit que c'est dans le domaine légal. En somme, un contribuable avec une bonne idée peut, en utilisant les failles de la fiscalité internationale et le régime des fondations privées, payer peu ou pas d'impôt sur le revenu, prendre sa retraite avec ses milliards et s'approprier une part du pouvoir public national ou international. Deuxième partie de l'entretien avec la fiscaliste Brigitte Alpin. Ici, on va parler des fondations. Ah, justement. Si, les fondations. Une fondation, c'est une charité finalement intéressée. Une charité pour les riches parce que c'est payant pour eux faire la charité. Ces sociétés-là se sont adaptées. Ils sont allés beaucoup plus vite que le législateur, finalement, et utilisent toutes sortes d'outils comme les fondations. Ça paraît bien, mais les fondations, c'est très utile sur le plan fiscal. Oui. Oui, les fondations privées de charité sont beaucoup utilisées plus par les milliardaires ou les personnes très nantis utilisent beaucoup les fondations privées de charité. Et moi, je déplore. En fait, ce que je dis, c'est que la charité avec les écarts de richesse qui deviennent de plus en plus importants entre les riches et les pauvres, la charité devient également excessivement importante. Mais c'est dommage de constater que les fondations, que le système d'imposition a mis en place et continue de conserver ce régime d'imposition-là à l'égard des fondations privées de charité qui ne tient pas la route, qui représente un mauvais deal pour les contribuables québécois, canadiens, américains et les contribuables de plusieurs pays. Et c'est mathématique, hein. On peut parler de beaucoup de questions sociales, philosophiques, mais il y a toute une question mathématique là-dedans. On peut pas passer à côté. C'est réellement un mauvais deal pour les contribuables. Donc, c'est faux de prétendre que pour les contribuables et pour les finances publiques, c'est un bon deal d'encourager tel que c'est en ce moment la création de fondations privées de charité. On sauve beaucoup, mais on donne pas grand-chose. C'est ça. Pour que ça soit un bon deal pour les contribuables, il faudrait que les contribuables soient gagnants, n'est-ce pas? Donc, et le problème, c'est que si on analyse premièrement ce que le fondateur de la fondation reçoit lorsqu'il crée sa fondation. Donc, lorsqu'il crée sa fondation, il reçoit un crédit d'impôt pour don qui est environ égal à 50% de la valeur du capital qu'il transfère dans sa fondation privée. L'autre cadeau que font les contribuables au fondateur ou à la fondation, c'est le fait que la fondation ne paie pas d'impôt durant toute sa vie, toute son existence, sur les revenus qu'elle réalise, donc une exemption d'impôt totale. Et c'est pas généralement cette durée de cette exemption d'impôt-là est infinie puisque la plupart des fondations privées de charité sont constituées pour exister à perpétuité. Donc, d'une part, les contribuables font un cadeau égal à 50% du capital transféré par le fondateur à la fondation et ils font un cadeau d'impôt égal à l'exemption d'impôt sur les revenus réalisés par la fondation privée de charité. D'autre part, les contribuables pourraient être gagnants dans ce deal-là s'ils reçoivent de la fondation privée de charité de la charité qui est supérieure à ces cadeaux-là qu'ils donnent aux fondateurs et à la fondation. Et le problème est à ce niveau, c'est que la fondation privée, par les règles fiscales, a l'obligation de redistribuer sous la forme de charité à la société et aux contribuables par le fait même seulement 3,5% du capital après les dépenses de la fondation qui sont généralement égales à environ à 1% du capital. Donc, les contribuables, la société, reçoivent en contrepartie seulement 2,5% du capital à chaque année sous la forme de charité. Donc, si on compare ce 2,5%-là avec le crédit d'impôt qui est égal à 50% du capital, plus l'exemption d'impôt qui est égale à qui peut être substantielle à chaque année à perpétuité. Et si on fait les calculs mathématiques, on s'aperçoit que le deal, la façon qui est dessinée dans les lois fiscales, n'est jamais à l'avantage des contribuables. Donc, c'est faux et c'est dommage qu'on a mis en place un système où est-ce que les contribuables contribuent de façon plus significative aux fondations privées que les fondations privées contribuent à la société et que les fondateurs sont considérés et vus comme des grands mécènes qui gèrent des questions publiques puis qui ce sont des personnes non élues et qu'on oblige les contribuables à être obligés de demander de la charité à ces organisations-là. C'est dommage et c'est quasiment honteux. Quand on est riche, c'est payant d'être généreux. C'est ça qu'on comprend avec le calcul. Mais vous soulevez une question fondamentale qui est celle du contrôle démocratique des services publics. C'est-à-dire qu'on en est rendu à un point où ils sont capables de mettre de la pression quelque part par en disant, ben moi, je veux pouvoir être généreux, mais à telle ou telle condition, pour telle ou telle raison. Donc, ils ont un poids dans la démocratie qui soulève beaucoup de questions. C'est palpable. Je vous dirais, au niveau international, j'ai à discuter avec des grands acteurs au niveau international de la politique fiscale, des finances publiques, de grandes questions. C'est arrivé fréquemment dans les conversations que on va parler, par exemple, de la fondation Bill Gates. Mais c'est impossible là, d'avoir un regard critique. En tout cas, moi, avec mon expérience des dernières années, c'est impossible d'avoir un regard critique de la fondation Gates parce que sur les grandes questions de santé, la fondation Gates est plus puissante que l'Organisation mondiale de la santé, est plus puissante que même plusieurs gouvernements en Afrique. Donc, on en est rendu là. La fondation Gates est devenue extrêmement puissante. Là. Donc, c'est un monarque tout puissant, Bill Gates, c'est ça qu'on comprend. Hein? Ben, en tout cas, moi, j'ai écrit le livre « Bill Gates, pay your fair share of taxes like we do ». Et il y a certains meetings que je vais à l'international et franchement, je suis pas gênée de mon livre, là, mais j'arriverai pas avec mon livre comme étant ma carte d'affaires, là, parce que c'est clair que si on a un regard critique sur la Fondation Gates, on est mal vu. C'est grave. C'est spécial. C'est. Mais écoutez, les choses, il s'agit de dire, il s'agit de parler, il s'agit de dire, il s'agit de bien les expliquer. Et tous et chacun, on a un certain pouvoir de changer les choses. Donc, je dirais que je pense que probablement que les fondations privées, je vous dirais que, je l'expliquerai de la manière suivante. Lorsqu'on a fait le film La crise fiscale qui vient, qui est inspirée de mon deuxième livre, la première fois que je suis allée voir un cinéaste, puis j'ai dit, je veux faire un film sur l'impôt, je veux mettre ça en perspective, puis je veux expliquer au grand public l'histoire des multinationales qui paient peu ou pas d'impôts et la menace à la démocratie qui en découle. En 2011, les gens me regardaient puis disaient, écoute, ça marchera jamais. Il n'y a jamais personne qui va aller dans un cinéma pour voir un film sur l'impôt. C'est impossible. Ça, c'était en 2011. Puis je vous dirais, moi, aujourd'hui, c'est mon prochain projet de film. C'est sur les fondations privées de charité, soi-disant charitable. Et je vous dirais que, selon moi, par le temps que le film va sortir, les gens vont être prêts à entendre la vérité. Alors, moi, je vais être là. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1. C'est David Lemelin au micro. Alors, donc, on l'a compris, hein, Bill Gates, plus fort que l'Organisation mondiale de la santé. Une influence colossale et totalement, totalement non démocratique. Et malgré tout ce qu'on dit depuis tantôt, il y a des solutions. Ah ouais, parce qu'il faut en parler aussi. Alors, Brigitte Alpin en cite plusieurs dans son article. Elle dit... L'OCDE et l'ensemble des organisations internationales, Banque mondiale, ONU, FMI, etc., font beaucoup pour aider les pays à adapter l'impôt sur le revenu aux réalités du 21e siècle. L'initiative la plus importante est le projet BEPS pour Base Erosion and Profit Shifting, piloté par l'OCDE, sur la recommandation du G20. L'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, le BEPS, fait référence aux stratégies de planification fiscale qui exploitent les failles et les différences entre les règles fiscales nationales et internationales en vue de transférer artificiellement des bénéfices dans des pays ou territoires où l'entreprise n'exerce guère d'activité réelle, mais où ils sont faiblement taxés, ce qui aboutit à une charge fiscale faible, voire nulle pour l'entreprise, explique le site de l'OCDE. Et c'est ça le truc. Hein. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques semaines avec le livre d'Alain Deneau. Là. Plusieurs pays ont déjà adhéré au projet BEPS, dont le Canada, mais les prochaines étapes de l'implantation seront cruciales car les pays devront passer de la parole aux actes et le changement frappe à la porte du monde des affaires. Voilà. D'autres solutions existent pour assurer le bon fonctionnement de l'impôt sur le revenu à l'ère de la mondialisation et du numérique. Par exemple, l'impôt... par exemple, le Canada pourrait cesser de signer des ententes de non-imposition avec des paradis fiscaux et augmenter l'obligation charitable des fondations privées perpétuelles. Hein, on est dans le concret, là. Il y a des solutions et ça fait référence à tout ce qu'on a entendu avant. Autre solution, il y a des obligations constitutionnelles. Donc ça va comme suit. L'obligation de contribuer à l'impôt inscrite dans la Constitution de certains pays est une avenue encore non exploitée ici qui pourrait se révéler utile. Face à l'immoralité des grandes fortunes peu ou pas imposées, pourquoi ne pas utiliser la Constitution pour les forcer à apporter leur contribution? La France et l'Italie, à titre d'exemple, ont inclus dans leur constitution une clause exigeant que la contribution à l'État se fasse en fonction de la capacité de payer. Même si le comportement fiscal d'un contribuable est légal selon les règles de son pays, il pourrait être déclaré inconstitutionnel. C'est intéressant. Ben franchement. Forcer la contribution de ceux qui font exprès de ne pas payer. Non, c'est de ça dont on parle. Autre solution, il y a les ententes de libre-échange, parce que sur le plan international, ça se fait beaucoup. Les ententes de libre-échange peuvent également être utiles. La décision prise en septembre 2016 par la Commission européenne qui a contraint la multinationale Apple à rembourser 13 milliards d'euros pour impôts impayés en Irlande a attiré l'attention sur les effets possibles des accords de libre-échange sur le comportement fiscal des sociétés. Ces accords visent à garantir la libre circulation des biens, des services et des personnes entre les États signataires. Or, des traitements fiscaux trop favorables accordés par certains pays aux entreprises établies chez eux peuvent entraver le libre-échange. Dans l'affaire Apple, la Commission européenne a réaffirmé que ces accords peuvent être interprétés en ce sens. C'est majestueux. Troisième et dernière partie de l'entretien avec la fiscaliste Brigitte Alpin. Et ben ici, on parle de concurrence fiscale qui est un problème sérieux. On l'a évoqué. Les pays qui se font concurrence, dans le fond, pour diminuer l'impôt des sociétés, finalement. Mais même si l'ensemble du portrait semble effectivement plutôt sombre de ce qu'on dit depuis tantôt, là, il y a des solutions, on en a évoqué, vraiment. Mais c'est certainement pas pour le Québec, et ça là-dessus, c'est clair, de devenir nous-mêmes paradis fiscal. Hein? Quand même pas, là. Est-ce que vous pouvez parler un peu des solutions qu'il y a? Oui, c'est en fait, c'est sûr que les grandes organisations internationales, notamment l'OCDE, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONU, ont vraiment... font vraiment preuve de leadership pour essayer de réparer le système, moderniser l'imposition, faire en sorte que on puisse régler cette situation-là, là, parce que c'est plus juste une question d'impôt, c'est devenu une question démocratique. Puis les contribuables, on sent vraiment un malaise, là, quasiment une agressivité à l'occasion. Donc, il faut agir maintenant. Les organisations internationales, leur objectif, c'est de essayer de conserver l'impôt sur le revenu. La plus grande l'organisation qui a le plus grand leadership à ce niveau-là, c'est l'OCDE. Donc, ils essaient de conserver l'impôt sur le revenu, puis de faire en sorte qu'ils vont mettre, ils font un plan avec plusieurs mesures, une quinzaine de mesures, dont l'objectif finalement, c'est d'essayer de faire en sorte que la grande machine d'impôt sur le revenu au niveau international se remette à fonctionner et que les contribuables internationaux se remettent à payer leur juste part d'impôts. Donc, ça, c'est du côté des grandes organisations internationales. Et ils font autre chose, mais c'est principalement ce qu'ils font, ce qu'on appelle le projet BEPS, qui a été introduit par l'OCDE. Parce qu'il y a vraiment une partie qui joue. Il y a comme une concurrence entre les États aussi, puis on se dit, je veux pas être celui qui va, dans le fond, imposer de telle sorte que je vais perdre des chances d'affaires. Il y a un peu ça. Ça fait qu'il y a comme une espèce de jeu qui se joue en dehors des regards qui est malsain, finalement, qui nous conduit là. Oui, ça, malheureusement, il y a personne qui adresse réellement ce problème-là de la concurrence fiscale entre les pays et entre les entreprises. Il y a pas personne, là. Il y a pas aucune organisation, par exemple, l'OCDE dans son initiative BEPS, même si c'est vraiment exhaustif, il y a rien qui adresse le problème de la concurrence fiscale internationale. Donc, du jour au lendemain, à titre d'exemple, M. Trump pourrait dire « Moi, je veux faire des États-Unis un paradis fiscal » et il n'y a rien qui pourrait réellement l'empêcher de le faire, à part peut-être les accords de libre-échange qui disent qu'on ne peut pas... on ne peut pas réellement s'ingérer dans le libre-échange et on ne peut pas réellement utiliser la fiscalité pour donner des incitatifs aux entreprises de chez nous. On a vu le cas avec Apple et Mme Bessagère de la Commission européenne qui a utilisé les accords commerciaux pour pénaliser Apple et l'Irlande. Donc, un peu dans ce même principe-là, à part les grandes ententes internationales, au niveau des organisations internationales, il n'y a pas réellement, probablement parce que c'est pas dans leur mission, j'ai souvent posé la question aux personnes dirigeantes de ces organisations-là, et c'est la réponse qu'on me dit, c'est pas dans leur mission. Donc, il n'y a pas rien qui adresse le problème de la concurrence fiscale internationale. Moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que lorsque je suis retournée aux études en 2005, l'Université Harvard m'a donné un contrat de recherche « Comment adapter nos régimes d'imposition à la mondialisation ». Et à cette époque-là, je me disais « Mais mon Dieu, comment qu'on va faire pour adresser le problème de la concurrence fiscale entre les États ?» C'est tellement... le race to the bottom a tellement été démontré. J'avais constaté ça à cette époque-là, puis je me disais, c'est sûr que l'ONU ou l'OCDE va mettre en place une grande conférence mondiale, un peu du style de la conférence sur le climat, mais qui va adresser ces problèmes-là. Et là, les années ont passé, la conférence n'arrivait pas. Moi, je me suis embarquée dans l'écriture de livres, le film, et à un certain moment donné, la conférence continuait à me parler. Et j'étais allée voir CPA Canada, CPA Québec, puis j'ai dit, est-ce que ça vous tenterait on a un gap, là, on a un manque, ça vous tenterait de participer à cette grande conférence-là? Et ça n'a pas pris... c'était très bref que le président Daniel McMahon de l'époque a dit oui, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc on a rapidement mis en place la première conférence internationale Tax Co-op. Et pourquoi que les gens se joignent rapidement, c'est que on constate qu'il n'y a rien qui se fait qui adresse ce problème-là. Et cette conférence-là, c'est le rendez-vous ultime de tout le monde pour parler de la concurrence fiscale entre les États. Et pas juste entre les États, hein. C'est aussi entre les entreprises. C'est aussi entre les multinationales et les PME, hein. Vous dites que les inégalités sociales sont telles que si on fait rien, là, à un moment donné, le 99% de la population qui regarde ça aller va finir par réagir. Dans le fond, vous lancez une espèce d'avertissement, là. Oui, il faut faire attention parce que, franchement, lorsque j'écris le livre « La crise fiscale qui vient », j'ai eu l'opportunité d'aller visiter c'est quoi les crises fiscales de l'histoire. Il faut pas prendre pour acquis qu'un contribuable qui subit une injustice fiscale va accepter ça pendant très longtemps. Faut faire attention. Je pense qu'on a déjà suffisamment profité de la patience des contribuables. Je pense que rapidement, faut être en mode solution. Les solutions, c'est pas de dire, par exemple, que on va proposer au Québec de devenir un paradis fiscal. Ça pourrait arriver. Moi, je crains que ça pourrait, dans les prochaines années, les Québécois pourraient se faire proposer des solutions de ce genre-là. Et j'ai fait exprès pour le mettre dans le chapitre pour être bien sûr que c'est si on vous en parle, faites attention, ce n'est pas une solution. Ça a déjà arrivé dans le passé qu'il y a des îles des Caraïbes qui se sont fait proposer de devenir la petite Suisse de l'Atlantique. Donc, on pourrait certainement se faire proposer par un politicien imaginatif de devenir la petite Suisse de l'Amérique. Et non, je pense que le Québec n'a pas besoin d'aller là pour continuer de prospérer. Ouais, la petite Suisse d'Amérique, peut-être pour le chocolat, mais le reste, me semble que... Voyez, on parle de fiscalité et c'est, ma foi, très intéressant. Enfin, j'espère que vous trouvez ça intéressant. Moi, oui. Si je demande au reste de l'équipe, oui, moi aussi. Donc, on continue de parler des solutions. Parce qu'il y a, bien sûr, les taxes à la consommation. Il y a ça comme solution qui est évoquée par la fiscaliste Alpin. Les taxes à la consommation pourraient aussi être davantage utilisées dans une éventuelle réforme de l'impôt sur le revenu, pourvu que le principe de progressivité de la taxation soit respecté. Au Québec, la Commission d'examen sur la fiscalité recommandait en 2015 de faire passer de 9,9 à 11% la taxe de vente du Québec, en vue de taxer davantage la consommation que les revenus des travailleurs. Une idée. Il y a aussi les taxes sur le carbone, le tabac et l'alcool. Là-dessus, elle écrit « Les taxes sur le carbone, le tabac et l'alcool procurent des bénéfices que l'impôt sur le revenu ne peut pas offrir. Pour aider les finances publiques des États, il conviendrait de songer à un panier de revenus où ces taxes seraient mieux utilisées, étant donné qu'elles permettent à la fois un encaissement de recettes additionnelles, on comprend, il y a de l'argent qui rentre de plus, et une réduction des dépenses publiques. Exemple, une réduction des coûts associés à la pollution réduit les coûts en soins de santé, parce que c'est effectivement lié quand on y pense. » Face à l'importance des coûts de santé actuels et à venir dans un Québec vieillissant, la fiscalité doit être mieux utilisée comme outil de prévention des maladies et comme incitatif à un mode de vie plus sain et plus actif. L'introduction d'un coût associé aux émissions de gaz à effet de serre, sous la forme d'une taxe sur le carbone ou autre, doit se faire avec prudence parce qu'elle risque d'engendrer un transfert de richesses des territoires hautement polluants vers les autres. Effectivement, j'en perds la voix. En outre, les mesures fiscales d'incitation à la consommation verte doivent être mises en place en tenant compte de l'état de l'offre et de la demande de produits écologiques fabriqués au Canada, de manière à ce que le virage vert des entreprises précède celui des consommateurs. Si des mesures fiscales vertes favorisent la consommation d'un produit en provenance d'autres pays, le régime d'imposition encourage alors la fuite de capitaux vers l'étranger. Ah ben ça oui, effectivement. Le Québec doit continuer de faire preuve de leadership environnemental parce qu'avec son bilan déjà favorable en matière d'émissions de GES, il sortira gagnant du virage écologique du 21e siècle. Fun. Alors voilà, on continue. Outre les taxes à la consommation, taxes sur le carbone, le tabac et l'alcool, il y a une solution intéressante, c'est la certification fiscale des entreprises. La certification fiscale des entreprises est basée sur l'idée qu'un consommateur informé n'achètera pas de produits d'une entreprise qui ne paie pas sa juste part d'impôt. Pour inciter les entreprises à respecter ce principe, il suffit d'informer les consommateurs par le biais d'un système de certification fiscale. Un tel système a été mis en place au Royaume-Uni en 2015 et quelques entreprises y ont adhéré. Ça, c'est une idée. Franchement, là, ça a bien du bon sens. De ce temps-là, on donne le nom des entreprises, d'ailleurs, de Trump, hein, pour ceux qui voudraient boycotter. C'est une excellente idée. Mais cette idée de certification vous permettrait de savoir qui se fout dans le fond de la collectivité et qui paie sa juste part. Alors, c'est intéressant. Autre solution, ben promouvoir la coopération fiscale internationale. Ça, c'est toute une épreuve, à mon avis. Alors, elle écrit « Peut-être qu'un jour, les Québécois pourraient être tentés par l'idée de faire du Québec un paradis fiscal, une petite Suisse de l'Amérique. Cette idée a du moins réussi à charmer les résidents des Bermudes en 1935, quand le bureau d'avocats Coiners, Dill, Pearman et Henry James Tucker. Ce sont ces charmants types qui ont proposé de transformer leur coin de paradis en petite Suisse de l'Atlantique. C'est la chose à éviter absolument. Le Québec a les outils qu'il faut pour s'engager davantage dans la conversation fiscale intergouvernementale et internationale dans le but de promouvoir une meilleure coopération avec ses principaux partenaires d'affaires. Pour réussir à moderniser les régimes d'imposition, il faut se rappeler que la plus grande faiblesse du processus actuel est le manque de ressources allouées pour inciter les pays à coopérer sur le plan fiscal. C'est sûr que quand le voisin ne se force pas, ça ne donne pas envie de se forcer. Mais à l'inverse, être un leader, c'est aussi un moyen de convaincre ses voisins de bouger, me semble. Encore faut-il avoir la volonté politique, ça bien sûr. Il y a des signaux parfois plutôt inquiétants là-dessus. Years of boredom for trying to change the system from where they are. Et puis, enfin, Brigitte Alpin sert cet avertissement qu'on a évoqué rapidement pendant l'entrevue. Effectivement, là, jusqu'à quand? C'est ça la grande question. Jusqu'à quand, en conclusion, là, elle appréhende. Parce que c'est une espèce de crise, c'est ça la question. La fiscaliste écrit à cet égard-là. Aurons-nous à traverser des crises fiscales avant d'adapter nos régimes au 21e siècle? Les grandes révoltes fiscales de l'histoire démontrent que ces crises peuvent être sanglantes et les leaders de notre époque devraient en prendre conscience et agir en conséquence. Si les inégalités sociales et la défiscalisation des grandes fortunes continuent de prendre de l'ampleur, il faut s'attendre à une réaction de la part des 99% de la population qui assiste, impuissant, à l'enrichissement du 1%. « 100 ans d'impôts au Canada et la crise fiscale qui vient », écrit par la fiscaliste Brigitte Alpin. On trouve cet article passionnant et pertinent dans la toute récente édition de l'État du Québec 2017. Ça arrive à peine en librairie. Ça vous fait du coup un ensemble d'articles fort utiles pour analyser les grands enjeux du Québec. Alors c'est déjà tout pour nous. Merci infiniment à notre invitée Brigitte Alpin qui a été très généreuse de son temps. Merci beaucoup. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado et sur le blog, on trouve toutes les émissions. Ben content. Merci, à samedi prochain.